L'enfant de la crèche. Sur la terre d'Israël, le peuple juif espère la venue du Messie, le Sauveur. Dans le petit village de Nazareth, une jeune fille attend elle aussi. Elle aime Dieu de tout son cœur. Elle s'appelle Marie et va bientôt se marier avec Joseph le charpentier. Un soir, alors qu'elle prie en silence, l'ange Gabriel entre chez elle. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. En entendant cela, Marie est toute bouleversée. Ne crains rien, Dieu t'a choisi. Tu vas enfanter un fils. Tu l'appelleras Jésus. Il sera grand. Il règnera sur le trône de David et son règne n'aura pas de fin. Comment cela arrivera-t-il? Je ne suis encore qu'une jeune fille, interroge simplement Marie. L'Esprit de Dieu viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant sera appelé Fils de Dieu. Marie répond d'une voix douce. « Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi selon ta parole. » Quelque temps plus tard, Joseph s'aperçoit que le ventre de Marie s'arrondit. Désemparé, il prévoit de renoncer à leur mariage. Mais une nuit, l'ange du Seigneur lui apparaît dans un rêve. « Ne crains pas d'épouser Marie. L'enfant qu'elle porte en elle vient de l'Esprit Saint. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de tous ses péchés. » Joseph fait ce que l'ange lui a dit. Bientôt, il épouse Marie et, tout heureux, l'accueille chez lui. Maintenant, la naissance de l'enfant est proche. Mais voilà que l'empereur Auguste décide de compter tous les habitants du pays. Chacun doit, pour cela, se rendre dans son village d'origine. Marie et Joseph commencent un long voyage jusqu'à Bethléem, en Judée. Assis sur un petit âne, Marie supporte sans se plaindre tous les chaos de la route. Quand ils arrivent à Bethléem, quelle foule dans les rues! Joseph cherche vite un endroit pour s'installer. Il frappe à la porte d'une auberge. Hélas, partout la réponse est la même. C'est complet. Joseph et Marie trouvent refuge dans une petite étable. C'est là que, sur la paille fraîche, entre un âne et un bœuf attendri, Marie met au monde son petit garçon. Dans les prairies alentour, des bergers veillent sur leurs troupeaux. Soudain, un ange étincelant descend du ciel et leur dit « Aujourd'hui, à Bethléem, un sauveur vous est né. Vous le trouverez emmailloté et couché dans une crèche. Et dans le ciel parsemé d'étoiles, une multitude d'anges apparaît et se met à chanter. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Les bergers se lèvent d'un bond et courent jusqu'à Bethléem. Ils trouvent l'étable et découvrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la paille. Émerveillés, il tombe à genoux devant Jésus. L'un des bergers dépose devant lui un petit agneau. Un autre joue un air de pipeau. Jésus s'endort paisiblement. Les bergers contemplent cet enfant Dieu si petit. Ils racontent à Joseph et Marie tout ce que l'ange leur a dit. Marie sourit Dieu a révélé son secret aux plus pauvres de la terre. Quelques jours passent. Joseph a remarqué dans le ciel une étoile nouvelle qui brille d'un éclat sans pareil. Un soir, trois hommes à l'air noble et aux vêtements majestueux se présentent devant lui. Ce sont des rois venus d'Orient, de grands savants. Joseph et Marie n'en croient pas leurs yeux. « L'étoile brillante nous a conduits jusqu'ici, » dit le plus vieux. « Nous venons voir le roi des Juifs qui vient de naître et nous voulons l'adorer. » Joseph les fait entrer et les trois hommes s'agenouillent devant Jésus avec un infini respect. Puis, un à un, ils lui présentent leur cadeau. « Voici l'encens, » dit le premier. « C'est ce que l'on offre à Dieu. » « Et voici l'or, » dit le second. « C'est ce que l'on offre à un roi. » « Voici la myrrhe qui sert à ensevelir les morts, » dit le troisième. Marie garde précieusement tous ces événements dans son cœur. Mais bientôt, un grand danger menace Jésus. Hérode, le roi du pays, est jaloux. Il ne veut pas d'un autre roi. Il ordonne de tuer l'enfant. L'ange, à nouveau, prévient Joseph. « Lève-toi, vite, fuis en Égypte avec l'enfant et sa mère. » Après quelques années en Égypte, Joseph et Marie retournent vivre à Nazareth. C'est là que Jésus grandit. Il apprend à lire avec Marie et à travailler le bois avec Joseph. L'Esprit de Dieu repose sur lui.